conclusion, ce livre rassemble les témoignages apportés par les pierres et les ossements. Nous avons ainsi écouté ceux des époques anciennes et les récentes, du nord au sud, des montagnes et des fonds océaniques, des squelettes, des cendres et des laves. Longtemps avant qu'ils fussent terminés, nous savions que la conclusion était inévitablement celle-ci, notre terre tout entière fut le jouet de catastrophes. Encore n'ai-je pas apporté ici le témoignage des sources littéraires anciennes ou du folklore. On me dira que si les cataclysmes du passé sont attestés par les pierres, les os et les ruines, l'absence des témoignages humains vient contredire cette interprétation du passé géologique. Je demanderai alors, Monde en collision n'est-il pas un livre qui contient justement ces témoignages humains? Et les attaques dont il fut l'objet n'ont-elles pas été causées, avant tout, parce qu'on le présumait en conflit avec les découvertes de la géologie? Je ne me suis appuyé ici, sur aucune référence aux inscriptions ou aux monuments littéraires anciens pour établir la correspondance existant entre les annales historiques et géologiques, mais le lecteur attentif, disons même celui qui simplement parcourra ces pages, n'aura pu y porter les yeux, sans qu'elle lui rappelle bien des chapitres de Monde en collision, à condition, bien entendu, qu'il connaisse ce dernier. Monde en collision retraçait l'histoire d'ouragans balayant toute la planète, de forêts incendiées et emportées, de poussière, de rocs, de feu et de cendres s'abattant du ciel, de montagnes fondant comme de la cire, de laves arrachées à un sol éclaté, de mers en ébullition, d'averses bitumineuses, de terres secouées et de villes détruites, d'humains se réfugiant dans les cavernes ou dans les fissures des roches de montagne. D'océans soulevés et retombant sur les continents, de rats de marée se lançant sur les pôles et en revenant, de terres submergées et de mers transformées en désert, d'îles apparues et d'îles englouties, de crêtes nivelées et de crêtes surgissantes, de rivières cherchant d'autres lits, de sources taries ou devenant amères, de grandes destructions animales, d'humanité décimée, de migrations, de nuages lourds de poussière enveloppant pendant des dizaines d'années toute la face du globe, de troubles magnétiques, de climats changés, de points cardinaux déplacés et de latitudes modifiées. De calendriers dérangés, de cadrans solaires et de clepsydres, n'indiquant plus la même durée pour les jours, les mois et les années, d'une nouvelle étoile polaire. Monde en collision présente tous ces phénomènes, qui se sont répartis en deux séries d'événements, la première ayant eu lieu au 15e siècle avant notre ère, c'est-à-dire il y a 3400 ans, la seconde, d'une intensité moindre, il y a 2700 ans. Des cataclysmes analogues et d'une intensité plus grande encore s'étaient déjà produits à des époques plus anciennes. Pour ces derniers, et dans la mesure où la tradition humaine se souvient d'eux, le récit en est réservé à un autre ouvrage Ajinkao, qui fera suite à Monde en collision. Quel que soit le lieu où nous étudions l'aspect géologique et paléontologique de la Terre, nous découvrons des signes de catastrophes anciennes et récentes. Des montagnes ont surgi des plaines, d'autres se sont aplanies, les strates de l'écorce terrestre ont été pressées les unes contre les autres, retournées et posées au-dessus d'autres strates, des roches ignées, fondues, se sont étalées sur d'immenses régions en couverture épaisse de plusieurs kilomètres, le lit de l'océan a roulé des vagues de roches en fusion, les cendres sont tombées en pluie pour s'entasser en couches profondes. Sur le sol et sur les vastes fonds marins, les rives des lacs anciens, basculés, ne sont plus horizontales, les littoraux montrent qu'ils étaient jadis plus hauts ou plus bas, la différence dépassant parfois 300 ou 400 mètres. Les restes de ce qui fut vivant, foisonnent dans les roches en attitude d'agonie, les roches sédimentaires sont de vastes cimetières, les granites et les basaltes ont aussi enseveli d'innombrables organismes, les coquillages demeurent fermés comme s'ils étaient vivants, tant fut subi leur enfouissement. De grandes forêts ont été brûlées, entraînées par les rats de marée, recouvertes de sable et changées en charbon. Les animaux ont été balayés jusqu'à l'extrême nord, empilés pêle-mêle et inondés de bitume. Les os brisés, les ligaments rompus, les peaux de bêtes appartenant à des espèces vivantes, ont été mélangés au reste d'espèces disparues, et à des masses d'arbres éclatées, pour former d'immenses entassements, des baleines ont été arrachées à l'océan et jetées sur des montagnes. Les roches des cimes désintégrées, ont été transportées sur de longues distances, de la Norvège aux Carpates, dans les monts du Harz, en Écosse, du Mont Blanc au Jura, du Labrador au Pocono. Les montagnes rocheuses ont parcouru bien des lieux, les Alpes ont franchi 160 km vers le nord, l'Himalaya et les Andes ont encore augmenté d'altitude. Les lacs de montagne se sont déversés par-dessus leurs bords, les continents ont été déchirés par des fractures, et le fond des mers par des canyons. Les terres ont disparu sous les mers, qui ont fait surgir des îles nouvelles. Les fonds océaniques sont devenus des sommets porteurs de coquillages marins. Des bancs entiers de poissons ont été emprisonnés et bouillis dans la mer même. D'innombrables rivières ont quitté leur lit, et les laves ont inversé le sens de leur courant. Le climat a subitement changé, le sol labourable et les prairies se sont muées en désert. Les rennes de Laponie, les renards polaires, ou renards bleus, et les ours arctiques, habitants des toundras enneigées, les hippopotames et les rhinocéros des brousses africaines, les lions du désert, les autruches et les phoques ont été entassés et recouverts de gravier, d'argile et de tuf. Les fissures de rocs sans nombre, ont été remplies d'ossements brisés. Des régions de palmiers ont été repoussées vers les régions arctiques, les océans ont bouilli, leur évaporation s'est condensée sous des nuages de poussière pour construire des calottes glaciaires montagneuses sur d'immenses contrées. Puis la glace a fondu sur le sol échauffé, envoyant sur la mer des flottes d'icebergs. Tous les volcans sont entrés en éruption, toutes les habitations se sont écroulées et ont pris feu. Les animaux apprivoisés et les bêtes sauvages ont couru avec les hommes pour se réfugier dans les cavernes des montagnes, et les montagnes ont avalé et enterré ceux qui y étaient parvenus. Les genres, les espèces et les familles en grand nombre ont été anéantis jusqu'au dernier individu. Les continents, les mers et le ciel ont encore et encore combiné leurs éléments dans le grand travail exterminateur. En suivant ainsi les signes laissés par la géologie, nous avons été conduits par l'inexorable logique des faits à conclure que la Terre fut, plus d'une fois, le théâtre où se sont déroulés les actes d'un grand drame, dont aucun lieu n'a été exempt. En présence des faits, nous avons également dû admettre que les plus récents paroxysmes de la nature se sont produits pendant les temps historiques, il y a quelques milliers d'années seulement, alors qu'en certaines contrées la civilisation parvenait déjà à l'âge du fer, mais qu'ailleurs elle s'attardait dans le néolithique ou même dans le paléolithique, c'est-à-dire dans l'époque de la pierre taillée. Les lacs laminés, la teneur en sel des étendues de sang déversoir, le recul des cascades, l'élévation des montagnes, les analyses de pollen, les trouvailles archéologiques et la baisse récente du niveau de la mer, tous ces signes montrent à quel point les derniers paroxysmes naturels sont proches de notre époque. Les témoignages géologiques nous apportent aussi l'absolue conviction que les grandes catastrophes globales ont été, soit accompagnées, soit causées par un déplacement de l'axe terrestre, ou par une perturbation dans les mouvements quotidiens et annuels de la planète. Le déplacement de l'axe n'a pas pu être amené par des causes intérieures, comme l'avaient supposé au XIXe siècle les adeptes de la théorie de l'âge glaciaire. Il n'a pu avoir lieu, et à plusieurs reprises, que sous le choc de forces extérieures. L'état des lavas magnétisme inversé, celui-ci étant des centaines de fois plus intensif que ne pourrait l'être le champ magnétique terrestre inversé, révèle la nature des forces qui sont alors entrées en action. Ainsi, le témoignage géologique nous a amené à la conclusion que nous avions déjà atteinte en suivant les traditions historiques et littéraires de tous les peuples la Terre, à plusieurs reprises, elle est passée par des catastrophes qui l'ont affectée tout entière, et la cause en fut un agent extraterrestre. Certains de ces cataclysmes cosmiques datent de quelques milliers d'années seulement, c'est-à-dire des temps historiques. On cherche sans les trouver les causes de beaucoup de phénomènes ayant touché le globe dans sa totalité. Or la cause est la même pour tous, c'est la somme composée par les changements climatiques soudains, les invasions des mers, les grandes activités volcaniques et sismiques, la formation de la calotte glaciaire, les périodes pluvieuses, le soulèvement des montagnes et leur dislocation, l'élévation et l'abaissement des littoraux, le basculement des lacs, la sédimentation, la fossilisation, la présence d'animaux et de végétaux tropicaux dans les régions polaires, les mélanges de fossiles provenant de latitudes et d'habitats différents, l'extinction d'espèces et de genres, l'apparition d'espèces nouvelles, l'inversion du champ magnétique terrestre, et une vingtaine d'autres phénomènes, qui se sont étendus à la Terre entière. Si importante que soit cette affirmation d'événements catastrophiques, elle prend une dimension encore plus grande pour presque toutes les disciplines scientifiques, lorsqu'il faut répondre à la question, date-t-il d'époque ancienne ou d'époque nouvelle? La réponse est, des deux. Des événements catastrophiques eurent lieu aux époques préhumaines, préhistoriques et historiques. Nous sommes les descendants de survivants, qui eux-mêmes descendaient de survivants. Nous avons lu dans ce livre quelques pages du journal de bord de la Terre, roche roulant dans l'espace, tournant avec son satellite inanimé autour d'un astre de feu qui se déplace avec elle, et avec d'autres planètes à travers une galaxie, la voie lactée faite de centaines de millions d'étoiles brûlantes, armées qui s'enfoncent dans l'immensité aveugle de l'univers. Examen de monde en collision d'après les récentes découvertes archéologiques, géologiques et astronomiques. Conférence du Dr Emmanuel Wolikowski à l'université de Princeton il y a 180 ans, Pierre-Simon de Laplace, alors âgé de 23 ans, donna lecture en 1773 devant l'Académie des sciences de Paris d'une communication dans laquelle il établissait la stabilité du système solaire, car les déviations apparentes des planètes ne sont que des oscillations périodiques par rapport à leur course moyenne, et parce que le mécanisme céleste est organisé de façon à fonctionner perpétuellement. Son contemporain, Jean-Baptiste Lamarck, entreprit de démontrer dans plusieurs ouvrages que la Terre avait toujours été le théâtre d'une évolution paisible, sans perturbation spasmodique, ce qui était en contradiction avec les vues de son temps. Or, les idées d'harmonie ou de stabilité dans les sphères célestes et terrestres gagnèrent du terrain et devinrent la base de la pensée scientifique. En annonçant le 31 août 1846 l'existence de la planète Neptune, immédiatement découverte dans la partie du ciel qu'il avait indiquée, Le Verrier prouve à l'exactitude de la théorie newtonienne et de l'univers organisé de Laplace. 1744-1829. 1749-1827. Le 25 septembre suivant par l'astronome Gall, de Berlin, NDT. Mais, relevant des anomalies la même année dans la révolution de Mercure, anomalies qui se produisent toujours en une seule et unique direction, il jeta le premier doute sur l'infaillibilité de ces lois. L'uniformisme, comme l'entendait Lamarck et Hutton ou l'exposait Liel, devint la pierre angulaire du darwinisme, à tel point que Darwin proclamait inutile de lire l'origine des espèces, si l'on n'acceptait pas les vues de Liel. Le principe d'uniformité, qui tente d'expliquer tous les événements remarquables de l'histoire du globe terrestre en fonction des processus toujours en cours, par conséquent, ni les crises catastrophiques du passé, fournit à Darwin ce qui pouvait le mieux justifier ses idées sur l'origine des espèces, un temps presque illimité. Il fallait, en effet, une éternité afin que la compétition entre individus, et leur instinct de conservation, assure l'évolution de formes nouvelles, pour qu'un animal à plusieurs pattes, comme l'araignée et les êtres humains, ait pu avoir un ancêtre commun. Avec le 19e siècle, la lutte que s'étaient livrés les évolutionnistes et les tenants de la création en 6 jours s'éteignit, l'évolutionnisme en sortait victorieux. À l'avis de Thomas Huxley, une seule incertitude subsistait, on avait constaté l'apparition d'aucune espèce nouvelle depuis les premières observations scientifiques, et les expériences en matière d'élevage, n'avaient pas donné de meilleurs résultats. Le passé géologique attestait pourtant, sans équivoque possible que certaines formes animales, aujourd'hui éteintes, existaient jadis et que beaucoup de celles qui vivent maintenant n'existaient pas autrefois. L'hypothèse de Laplace, selon laquelle l'ensemble planète, aurait été formé à partir d'une nébuleuse en rotation, fut remplacée vers la fin du siècle par une théorie catastrophiste. Elle proviendrait des débris d'un corps céleste entré en collision avec le Soleil ou qui, tout au moins, s'en serait trop approché. Mais ses promoteurs spécifiaient, bien que l'univers était organisé, que cette origine catastrophique faisait exception dans le cosmos, que le système solaire était régi par le principe de stabilité, comme l'avait signalé Laplace, que la Terre était soumise à la loi d'uniformité, que les animaux et les plantes suivaient la règle de lente-évolution. On estimait donc, les principes de base ayant été établis, la science n'avait qu'à pousser toujours plus loin la précision dans l'observation, et à accumuler les détails servant à perfectionner la connaissance, mais que le temps des découvertes fondamentales était révolu. Tel était l'état d'esprit en 1895. Au mois d'avril de cette même année, l'expédition de Fridtjof Nansen s'approcha à moins de 4 degrés du pôle Nord. Le monde scientifique considérait sa conquête comme l'ultime but à atteindre. Cependant, avant que Nansen ait terminé l'exploration de l'Arctique en se laissant dériver à bord de son bateau jusqu'à 86 degrés 14 de latitude, la situation changea. Konrad Roentgen découvrait les rayons X, ou rayons cathodiques, qui traversent les corps opaques. En 1895 aussi, année de ses 20 ans, Marconi, travaillant dans la maison paternelle près de Bologne, réalisait sa première expérience de transmission sans fil. Toujours en 1895, Sigmund Freud, avec Joseph Breuer, publiait sa première étude ouvrant la voie vers une conception nouvelle du subconscient. En même temps, Pavlov apportait sa contribution à la psychologie des réflexes. L'année suivante, Nansen n'avait pas encore débarqué en Norvège, Henri Becquerel découvrait la radioactivité naturelle de l'uranium. 2 ans plus tard, les Curie obtenaient du radium. En 1897, Thomson constatait que l'atome est divisible et constitue un véritable microcosme. Il fut suivi par Rutherford. En 1900, J.J. Planck formulait la théorie des quantas, ou des énergies propagées par petits fragments, et non en flot ininterrompu. En 1900, dans le domaine de l'origine des espèces, De Vries annonçait que des mutations végétales avaient été observées pour la première fois, ces modifications spontanées des structures biologiques discréditait totalement le postulat concernant l'évolution proposé par Darwin. Ainsi, en quelques années, une kyrielle de découvertes spectaculaires ouvrit aux chercheurs des horizons insoupçonnés concernant la matière, l'énergie, les espèces vivantes, l'âme humaine. Il apparut dès lors que tout était en vibration, en collision et en transformation continuelle, le macrocosme comme le microcosme, et même le monde impalpable de la pensée. NDT, il y a lieu de ne pas oublier que Velikovsky écrivait ces lignes en 1955. En 1905, Albert Einstein, alors âgé de 26 ans, fit connaître sa conception de la physique universelle. Elle ouvrait la voie à de nouvelles perspectives, et attestait que l'ère des découvertes fondamentales n'avait pas pris fin avec la victoire de Darwin sur le livre de la Genèse. Une fois de plus, comme avant la fin du XVIIIe siècle, on nous dit que tous les éléments de base sont maintenant connus et que, désormais, les générations actuelles et futures se contenteront de vérifier des détails, d'accumuler des données, d'additionner des décimales 542. Bien que la passionnante décennie 1895-1905 ait mis en lumière des faits intéressants la matière, la vie et l'âme, et dont le déroulement dénote la brusquerie et la violence, les différentes disciplines scientifiques adaptèrent ces découvertes et ces idées nouvelles aux grands et vieux principes qui régnaient sur la nature animée comme sur la nature inanimée, la loi de l'harmonie et de la stabilité perpétuelle. Dans ces conditions, un schisme s'imposait. La publication de Monde en collision provoqua un émoi presque sans précédent dans les milieux scientifiques. J'écrivais en préface, le principe de Matmni et de la stabilité des sphères célestes et terrestres est à l'origine de notre conception actuelle et de l'univers exprimé par la mécanique céleste de Newton et l'évolutionnisme de Darwin. Si ces deux scientifiques sont sacro-saints, ce livre est une hérésie. 542 NDT, il y a lieu de ne pas oublier que Velikovsky écrivait ces lignes en 1955. L'idée m'était venue que les traditions, les contes et les légendes de tous les pays pouvaient être analysés comme nous traitons en psychanalyse, le souvenir obscur ou refoulé d'un malade mental. Ayant consacré 10 années à ce travail, j'ai remarqué que la mémoire collective de l'humanité parle d'une série de catastrophes mondiales qui se sont produites dans le passé. Je crois avoir retrouvé les dates exactes et identifié les causes réelles des grands bouleversements du proche passé. Ces recherches m'incitèrent à approfondir mes connaissances archéologiques, astronomiques et géologiques. Il en résulta un livre qui constitue l'introduction de mon œuvre. Dans les pages réservées à la conclusion, je reconnaissais que les problèmes soulevés dépassaient en nombre ceux jusqu'alors considérés comme résolus et je m'engageais, compte tenu des limites imposées à tout auteur travaillant seul, à poursuivre l'étude de ces différentes disciplines, mais le fait de prétendre que les grands cataclysmes est affecté à une époque aussi récente. Notre Terre suscita des réflexions désobligeantes. Mes critiques déclarèrent aussitôt, selon les termes employés par un astronome d'Harvard, que c'était là le meilleur exemple d'attaque dirigée contre les concepts définitivement admis. Dans le débat enflammé auquel se livra la presse, le livre fut qualifié comme l'un des plus significatifs qu'on ait écrit depuis l'invention de l'imprimerie, et comme le livre le plus mauvais qui soit paru depuis l'invention des caractères mobiles. Estimant qu'une polémique ne convenait guère à une controverse féconde, je ne m'y suis engagé que très modérément. Après avoir apporté quelques corrections, brèves mais nécessaires, à certaines déclarations faites par l'astronome royal et par J.B.S. Haldane dans les articles traitant de mon ouvrage, j'ai répondu à votre professeur d'astronomie, J.Q. Stewart, dans le Harper Magazine de juin. D'autre part, je me suis rendu à l'invitation de la Société américaine de philosophie qui avait organisé, en même temps que son assemblée annuelle d'avril 1952, un symposium sur les hétérodoxies de la science moderne, la mienne étant l'un des principaux sujets inscrits au programme. Hormis cette intervention, je n'ai participé à aucune discussion. Plus de 3 ans et demi ont maintenant passé depuis la publication du livre et j'accepte volontiers, grâce à l'occasion qui m'est offerte, de vous présenter un résumé objectif des dernières découvertes faites par les spécialistes des trois disciplines énumérées dans le titre de ma conférence. Monde en collision et les constatations récentes faites en archéologie, j'ai décrit dans mon livre les grandes catastrophes naturelles des seconds et premiers millénaires avant notre ère. Une place importante y est donnée à la description du bouleversement qui se produisit à la fin du Moyen Empire égyptien. J'ai synchronisé cet événement avec l'Exode, époque où la mer, la terre et le ciel étaient en pleine effervescence. La mémoire collective de l'humanité a retenu une quantité inépuisable de souvenirs rappelant le temps où la terreur régnait sur le monde, où la mer engloutissait la terre ferme, où le globe tremblait, où le cours des astres était dérangé, où les météorites pleuvaient. Mon récit est basé sur les textes historiques de nombreuses portions, la littérature classique, les épopées nordiques, les livres sacrés de l'Orient et de l'Occident, les traditions et le folklore des peuples primitifs. On m'avait demandé de fournir des preuves d'ordre archéologique, je les ai réservées au dernier chapitre, clepsydre et cadran solaire indiquant une longueur du jour différente, ou une variation des latitudes, décalage de l'orientation des temples anciens, primitivement orientés à l'est. J'étudia aussi avec minutie les calendriers des nations civilisées de l'Antiquité, ceux du Mexique et du Pérou, de la Grèce, de la Perse, d'Israël, de l'Égypte, de Babylone, de la Syrie, de l'Inde et de la Chine, ainsi que les réformes qui furent apportées. Tous ces renseignements appuyaient fortement les témoignages de la littérature. Le professeur Claude Chaeffé, dont les premières fouilles à Rachanra, Ugari, avaient déclenché une véritable révolution dans le domaine de l'exégèse biblique, écrivit à mon insu sa stratigraphie comparée et chronologie de l'Asie occidentale, 3e et 2e millénaire, que devait publier l'Oxford University Press. Avec cet ouvrage technique très détaillé, qui compte 1 millier de pages y compris ses tables et ses annexes, il a prouvé qu'à plusieurs reprises, chacune d'elles marquant la fin d'une époque, la totalité de l'ancien Orient fut ébranlée et dévastée. Les annales sismologiques modernes ne contiennent rien de comparable en intensité, ni en étendue. 344. Le plus destructeur de ces bouleversements se situait exactement à la fin du Moyen Empire égyptien et entraîna sa chute, ce que Monde en collision et Ajin Shaou 5 établissent. Les villes furent renversées. Les victimes des épidémies s'entassaient dans des fosses communes. L'exercice des arts et du commerce s'arrêta brutalement et les royaumes cessèrent d'exister. Des couches de terre, de poussière et de cendres épaisses de plusieurs mètres recouvrirent les cités mortes. En maints endroits, les populations furent anéanties, ailleurs, elles furent décimées. La vie sédentaire fit place au nomadisme. Le climat changea. Ayant analysé le matériel archéologique trouvé sur chaque site fouillé, de Troie aux Dardanelles, sur toute l'Asie mineure, l'Arménie, le Caucase, la Perse, la Syrie, Chypre et la Palestine jusqu'à l'Égypte, Schaeffer résume ainsi son important ouvrage. Notre enquête a démontré que les crises successives par lesquelles s'ouvrent et se ferment les principales périodes du 3e et du 2e millénaire n'ont pas été provoquées par l'action de l'homme. Au contraire, comparé à l'amplitude de ses causes générales et à leurs effets profonds, les exploits des conquérants et les combinaisons des hommes d'État d'alors paraissent bien modestes. L'ouvrage de Schaeffer éclaire sous un angle nouveau les conclusions auxquelles Sir Arthur Evans est parvenu après de nombreuses années de recherches archéologiques en Crète. L'île fut secouée par de violentes catastrophes accompagnées d'incendies. Ces bouleversements mirent un terme aux époques culturelles et politiques de la civilisation minoenne, en même temps qu'à celle d'Égypte. Le volcan de Mantorin explosa, son éruption entraîna des dégâts considérables. Troie fut détruite et disparut sous 16 mètres de cendres, tandis que s'écroulait le Moyen Empire égyptien. Les récentes découvertes archéologiques faites dans la vallée de l'Indus montrent aussi que bien avant l'invasion aryenne, des villes puissamment fortifiées, dotées d'une organisation très avancée, eurent une fin soudaine. La concomitance de l'émigration des Hébreux hors de l'Égypte et de la fin du Moyen Empire fut le point de départ d'une ère synchronisation de l'histoire égypto-palestinienne, objet du premier tome de la série Aginkao. Un second volume couvrant la période comprise entre la 18e dynastie et l'avènement d'Alexandre le Grand devait le parachever. L'époque à laquelle les enfants d'Israël se sont libérés du joug égyptien était une question très controversée. Je me suis aperçu que le papyrus Anastasie faisait mention de précisions ressemblant étrangement à celles que donne la Bible. Il y est en effet question d'un fleuve de sang, d'une suite de fléaux accompagnés d'un ouragan et d'une très longue nuit. J'ai, d'autre part, relevé parmi les inscriptions du Naodelariche, une allusion à la disparition accidentelle d'un roi et de ses troupes, emportés par le reflux des eaux près de Pi-Hahiroth, sur les lieux mêmes où le pharaon de l'oppression trouva la mort avec son armée, dans les mêmes circonstances. Ces coïncidences me firent reporter l'Exode à une autre date. Le rassemblement de textes retraçant les hauts faits de générations successives sur 1200 ans m'a permis d'établir de nombreuses corrélations portant sur la vie politique de l'Égypte et de la Palestine, corrélations qui ne peuvent être fortuites. Ma reconstruction montra que leurs histoires respectives, et celles des nations avec lesquelles ces deux pays entretenaient d'étroits rapports, sont décalées d'environ 600 ou 700 ans. NDT, trouvaille sensationnelle, pour emprunter l'expression de J. Friedrich. Citation tirée de Métesphore, de Reconstruction Offensi History, servant de préambule à Aginkao, et auquel renvoie la note précédente. Ainsi, mes deux livres découlent de la reconnaissance d'un trait, la chute du Moyen Empire au cours d'une grande catastrophe naturelle. Les fouilles récentes pratiquées à Jéricho ont confirmé que ces murailles s'écroulèrent quelques décennies plus tard. Cependant, à l'époque où la chronologie traditionnelle place l'entrée des Israélites au Canaan sous la conduite de Josué, cette place forte n'existait pas et par conséquent, il n'y avait là aucune fortification susceptible de s'effondrer. Or, selon Aginkao, les Israélites arrivèrent devant ces murs, une génération après la fin du Moyen Empire, et l'énigmatique hiatus de 600 ans n'existe plus. De nombreuses tablettes recouvertes d'écritures linéaires, minoambées, ont été trouvées en Crète et sur d'autres sites de la Grèce continentale au cours du siècle dernier. Je pense que leur déchiffrement, du moins en ce qui concerne celle de Mycène, montrera qu'elles étaient grecques. Je les prétends aussi antérieures à la date qu'on leur assigne généralement. La Grèce n'a pas connu d'époque intermédiaire moyenâgeuse d'une durée de 600 ans, entre le Minoan et la période ionienne du 8e siècle. Avant longtemps, nous aurons de nouveaux témoignages apportés par les pictographies hittites découvertes en Asie mineure, en Mésopotamie et dans le nord de la Syrie. Depuis la trouvaille récente, à Kara Tepe, en Asie. Cette conférence fut prononcée le 14 octobre 1953. En novembre de la même année, l'architecte anglais Michael Ventry annonça pour la première fois le déchiffrement d'inscriptions minoennes, linéaire B. Contrairement à ce qu'on attendait à son sujet, on constata qu'elle était libellée en grec. Le fait surprit le monde scientifique, car les textes avaient été par erreur assignés à une époque antérieure au XIIe siècle. On pensait généralement qu'au temps d'Homère, vers 700 avenue. J.C., les Hellènes étaient-ils étriques? Vers cette époque, dès leurs premiers essais d'écriture, ils auraient adopté les caractères phéniciens, hébraïques. Le déchiffrement des inscriptions minoennes contraignit les philologues à constater que les Grecs employaient un alphabet syllabique 600 ans avant Homère. Néanmoins, le doute subsiste, car aucun document littéraire grec datant d'entre 1300 et 700 avenue. J.C. ne nous est parvenu. Il est impensable qu'un peuple cultivé ait pu égarer tout son patrimoine littéraire. Comme je l'ai dit dans Aginkao et au cours de ma conférence, le Moyen Âge grec qui aurait duré 6 siècles, entre les époques mycéniennes et ioniennes, résulte des anachronismes de l'histoire ancienne. Mineur, de textes bilingues, hébreux anciens et hittites hiéroglyphiques, ces idéogrammes sont sur le point d'être transcrits. Dans ma reconstruction, je conclus que les signes utilités sont chaldéens et non hittites. À mon avis, il s'avère également qu'ils ont été employés jusqu'au dernier siècle avant notre ère. Compte tenu des anachronismes de l'histoire classique, les inscriptions chaldéennes néo-babyloniennes sont attribuées à des siècles antérieurs et à un empire imaginaire. Avec ses assistants, W.F. Libby, professeur à l'Université de Chicago, a perfectionné la méthode au radiocarbone permettant de dater les matières organiques. Les morceaux de bois trouvés sous les fondations de la forteresse hittite d'Alissar en Asie mineure sont, en réalité 700 à 800 ans plus jeunes que ne l'admet la chronologie traditionnelle, ce qui vient à l'appui de ma thèse. L'histoire hittite mêlée à celle du nouvel empire égyptien ne peut être modifiée qu'en procédant au raccourcissement simultané de l'histoire d'Égypte. L'âge du bois provenant de sépultures des anciens et moyens égyptiens est aussi conforme avec ma reconstruction. Toutefois, il n'a pas été fait d'analyse au radiocarbone pour la période décisive, celle du nouvel empire. Je propose donc qu'on soumette à ce test certains objets ayant appartenu aux rois des 18e et 19e dynasties, Hatshepsut, Thoutmôsi III, Akhnaton et Toutankhamon, Ramsès II et Ramsès III. Bientôt, vous serez en mesure de juger, si j'ai tort ou raison de déclarer catégoriquement, que l'analyse au carbone des cercueils en bois de Séti, de Ramsès II, de Menephta, de Ramsès III, comme celle des meubles et des bateaux sacrés de Toutmé III ou de Toutankhamon, attestera des dates de 500 à 700 ans plus récentes que celles données par la chronologie traditionnelle. Vous saurez alors avec certitude laquelle, de l'histoire classique ou de l'histoire révisée des pays de l'Orient ancien, est la plus véridique. Ces dernières années, les archéologues russes ont ramené au jour les vestiges d'une civilisation prospère en pleine taïga gelée, au nord-est de la Sibérie où abondent les restes de mammouths, et où personne n'avait soupçonné que l'homme eût jadis habité. Ils ont trouvé des objets paléolithiques en Yakoutie, et dans la vallée de la Léna, près du village de Chichkino, des dessins rupestres ressemblant étonnamment à ceux des cavernes de France et d'Espagne. Pendant le néolithique, 2 à 3 millénaires avant notre ère environ, les descendants des premiers autochtones yakoutes s'éparpillèrent sur tout le littoral de l'océan Arctique jusqu'à la Kolyma à l'est. Un an avant, j'affirmais que l'on découvrirait les restes de colonies humaines dans la région où les rivières Kolyma et Léna se jettent dans les océans Arctiques. Il existe sur la basse Léna, au nord de sa confluence avec la ville Iwi, c'est-à-dire à l'intérieur du cercle arctique, des substructures de construction très caractéristiques, des trouvailles remarquables, de même ordre, ont été faites près du lac Yolba. Dans la région de Djigansk, les archéologues avaient à peine commencé l'examen méthodique de la zone, qu'ils découvrirent à Yakoutsk même un atelier de fonderie. On y fabriquait, à la fin du second millénaire avant notre ère, des haches de bronze semblables à celles utilisées vers la même époque au Proche-Orient et en Europe. Aux environs de Yakoutsk, il y a près de 3000 ans, vivaient déjà des artisans sachant extraire le cuivre de son minerai, le fondre et le couler dans des moules pour en faire des haches, de belles pointes de javelot en bronze, des couteaux et même des épées. 54. Les traces de ces différentes civilisations prouvent que la taïga du nord-est sibérien a abrité des populations humaines actives et implique que le climat a changé lorsque ces dernières ont atteint un niveau culturel avancé. Avant que la glace vînt geler leur pâturage, ils étaient parcourus par de grands troupeaux d'éléphantides voraces. Mondant collisions et constatations récentes en géologie, les témoignages archéologiques de bouleversements continentaux survenus au deuxième millénaire ayant été minutieusement rapportés par Chaeffé, il fallait vérifier les preuves qu'offraient la géologie et la paléontologie. J'y ai consacré un ouvrage dont la publication ne saurait tarder, c'est pourquoi je ne ferai ici que quelques brèves allusions à l'objet de son contenu. Voici une dizaine d'années, dans le district de Fairbanks en Alaska, les gigantesques pelles hydrauliques utilisées pour l'extraction industrielle de l'or traversèrent, en pratiquant d'immenses tranchées longues de plusieurs kilomètres, d'extraordinaires cimetières d'animaux. Leur nombre est stupéfiant. Ils s'entassent, congelés en masse confuse dans un entremêlement inextricable d'arbres déracinés, et semblent avoir été déchirés, démembrés, puis agglomérés au cours d'événements catastrophiques. On en distingue encore la peau, les ligaments, les poils et la chair. Il y avait là des mammouths, des bisons géants, des lions, des chevaux, sous cet amas d'animaux mutilés et d'arbres éclatés, des objets façonnés ne différant guère de ceux dont se servaient encore récemment les Indiens de la vallée de la Tananarive. Depuis lors, on en a exhumé de semblables un peu partout en Alaska. Ils rappellent les trouvailles faites il y a longtemps, sur les îles de l'Ivoire qui composent, au nord des côtes de la Russie du Nord, l'archipel de la Nouvelle-Sibérie, dont le sol est littéralement bourré de squelettes d'éléphants et de rhinocéros en nombre stupéfiant. Et où la profusion de défenses, de dents de mammouth et de cornes de rhinocéros a de quoi déconcerter. Ces ossements, mêlés à des troncs d'arbres déchiquetés et calcinés, forment des monticulos de centaines de mètres. J. Prestwich, Quarterly Journal of Geological Society, XLVI, Philosophical Transactions of Royal Society of London, 1893-1894. Voir aussi son ouvrage On Certains Phenomena, London, 1895. D.G. Whitley, Journal of the Philosophical Society of Great Britain, 1910, 12, page 35. Les hippopotames, habitants des marais africains, ont laissé en Angleterre et en France une quantité impressionnante d'esquilles non encore fossilisées. J. Prestwich, professeur de géologie à Oxford, ne tarda pas à être étonné par celles qu'il trouva dans les failles d'Angleterre, du centre et du sud de la France, de Gibraltar et des îles méditerranéennes. Ces anfractuosités, dont certaines couronnent le sommet de collines, regorgent d'os brisés appartenant à des espèces vivantes ou éteintes, et présentant encore un aspect de réelle fraîcheur. Il n'est pas rare d'y rencontrer, aussi des objets de fabrication humaine. Prestwich en a conclu qu'une catastrophe à l'échelle continentale, dont l'eau était l'agent principal, avait balayé l'Europe à une époque où l'âge de la pierre polie ne faisait que commencer, alors que les grands centres culturels antiques vivaient peut-être déjà celui du bronze. L'on venait de constater que des palmiers poussaient autrefois au nord du Groenland, qui maintenant est plongé dans l'obscurité 6 mois sur 12, où le froid règne en permanence, et qu'en même temps, les coraux croissaient au Spitzberg, et les forêts de séquoias en Alaska. Cette évidence sous-entendait que l'inclinaison de l'axe terrestre avait varié. Airy, Lord Kelvin, George Darwin, et bien d'autres, parmi lesquels Schiaparelli et Simon Newcomb, engagèrent alors une polémique d'actualité, quant aux possibilités astronomiques ou géologiques de sa brusque variation, polémique que certains croient, à tort, suscitée par la publication de Monde en collision. À moins de laisser les constatations précitées sans explication, il fallait admettre qu'un tel changement ait eu lieu. La théorie de la dérive des continents proposée à titre de remplacement fut rejetée pour de nombreuses raisons. Scheffrey a établi que la puissance de la force invoquée par Roegenet est 100 milliards de fois trop faible pour les faire glisser. Eddington pensa que seule l'écorce terrestre tout entière avait bougé sans que l'axe noyau ait pour autant changé de direction. Mais le couple moteur qu'il faisait intervenir, dû aux marées d'origine lunaire, n'aurait pas déplacé les latitudes, la poussée s'exerçant d'est en ouest. Selon Disbeuri 538, les nombreux changements de position des zones climatiques, qui se sont produits au cours des temps, ne peuvent s'expliquer autrement que par les errances du pôle autour de sa place actuelle, autrement dit, les déviations de l'axe par rapport au plan de l'écliptique. Restait à déterminer la cause. Pour ce faire, je suggérais au dernier chapitre de Monde en collision que la Terre avait probablement traversé un champ magnétique puissant. L'étude du paléomagnétisme, en constant progrès, a confirmé et ne cesse de prouver quotidiennement que la plupart des laves et des roches ignées sont inversement magnétisées. Mais il est plus surprenant encore de constater que le magnétisme rémanent est infiniment supérieur à celui que le champ terrestre aurait dû leur communiquer. Ashmolea écrit dans une étude, il semble étrange qu'une roche rendue magnétique par le champ terrestre puisse avoir été aussi fortement aimantée, si on la compare avec la force génératrice. C'est l'énigme la plus étonnante du paléomagnétisme. Manley cite également les mesures faites il y a plusieurs années, par G. Folgeretti et P. L. Mercanton, sur l'argile de certains vases étrusques. On constata que les fours dans lesquels ils ont été cuits étaient relativement près du pôle sud, leur position pendant la cuisson est connue à cause du sens dans lequel a coulé l'émail, et l'on en a déduit l'inclinaison magnétique de ces particules ferrugineuses. Manley ajoute, cela prouve qu'au XXe siècle à venir, J.C. le champ terrestre était inversé dans la région méditerranéenne. Il mentionne aussi une inversion générale au cours des temps historiques, il y a 2500 ans, que des recherches complémentaires auront à vérifier. Connaissant grâce à l'étude des sources littéraires anciennes, l'époque exacte des perturbations exogènes apportées à la rotation terrestre, il me sembla que la dernière phrase d'un de ces articles, au demeurant fort bien écrit, contenait une inexactitude. Le phénomène, disait-il, a dû se manifester au 8e siècle et, une seconde fois, au début du 7e, 687 avant J.C. J'eus le plaisir de lire dans le texte original du professeur Mercanton contacté directement, que les céramiques en question appartiennent bien au 8e siècle 360. Je souhaite que de telles investigations soient étendues aux poteries datant du Moyen Empire égyptien, fabriquées vers 3500 avant J.C. Elles permettaient de déterminer d'autres périodes pendant lesquelles la polarité du champ terrestre s'est inversée en Égypte et ailleurs. Le professeur Daly, de l'université d'Elarbar, a découvert qu'il s'est produit voici 3500 ans, une baisse générale du niveau des océans, due selon lui à un brusque affaissement de l'écorce. Dans un ouvrage qui fait autorité, Marine Geology, 1950, le professeur néerlandais P.H. Cunan, déclare que cet effondrement récent est maintenant bien établi par des faits, en de nombreux points du globe. Lui aussi fait remonter ce tassement catastrophique du socle océanique à 3500 ans environ. L'expédition suédoise tout dernièrement organisée par l'Institut océanographique de Göteborg avait pour but d'étudier les océans Atlantique, Pacifique et Indien. D'après son chef, H. Peterson, elle a relevé les traces de grands bouleversements qui ont modifié le relief de la Terre. Le rapport de mission parle de catastrophes climatiques et de catastrophes tectoniques qui exaucèrent ou enfoncèrent les fonds océaniques de centaines, et même de milliers de pieds, donnant naissance à de violents rares de marées, dont les vagues détruisirent la faune et la flore des plaines littorales. En mains endroits, certaines coulées de la récente, 61 sont à peine voilées par une mince couche de sédiments. Peterson découvrit que le lit du Pacifique et de l'océan Indien est composé en grande partie de cendres provenant de phénoménales éruptions volcaniques. Il remarqua aussi la forte proportion de nickel contenu dans l'argile des profondeurs, et décida de sa propre initiative que ce nickel abyssal était d'origine météorique. Il en conclut logiquement qu'il y avait eu de grosses averses de météores. Fin convenu majeur de cette explication est qu'elle exige une vitesse d'accrétion de la poussière météorique dépassant plusieurs centaines de fois celle que les astronomes sont disposés à admettre. Le professeur Ewing, de l'Université de Columbia, prit sa suite et publia les résultats de son enquête personnelle sur l'Atlantique en 1949. Comme Peterson, il avait constaté que des laves se sont répandues à une époque relativement récente. Il s'était trouvé aussi devant des signes indiquant la présence de terres profondément immergées. De deux choses l'une, dit-il, où le sol s'est affaissé de 3000 à 5000 mètres ou bien la mer, jadis, a été de 3000 à 5000 mètres plus basse qu'aujourd'hui. Chaque terme de ce dilemme est surprenant. L'analyse des pollens retirés de la zone comprise entre l'Allemagne, l'Angleterre, la Norvège et la Suède a convaincu les chercheurs scientifiques que ce bassin est, dans son ensemble, assez jeune. Sa formation remonterait tout au plus au subboréal, le chiffre de 1500, époque du climastur, étant souvent retenu. Il y avait, à cet emplacement, une immense étendue d'eau, très vite recouverte de débris provenant des monts de Norvège. Plus tard, la mer du Nord en prit possession à la suite d'une transgression de caractère catastrophique. On en a retiré des objets de fabrication humaine laissés sur place, lorsque le socle continental aujourd'hui émergé était à l'air libre. L'expansion du delta de la baie arrivée, sur la frontière de l'Alaska, dûment contrôlée par Anson, a révélé qu'à la vitesse actuelle de leur sédimentation, les aluments charriés par ce fleuve ne s'y accumulent que depuis 3600 ans. D'après les calculs d'Albert Delapart, éminent géologue français secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, 3000 ans seulement se sont écoulés depuis le moment où la fusion du glacier rhodanien a commencé, et les études modernes confirment que de nombreux champs de glace alpin ont moins de 4000 ans. Le professeur Flynn, de Yale, écrit au sujet de la nouvelle datation de la cataracte du Niagara. L'ancienneté de la grande gorge supérieure est évaluée à un peu plus de 4000 ans, et encore, pour obtenir ce chiffre, il a fallu supposer que la vitesse de recul est restée constante, bien que nous sachions que le débit a considérablement varié pendant les temps post-glaciaires. Cernandé et d'autres scientifiques ont établi qu'en 1500, avant Jésus-Christ, et de nouveau en 800, il s'est produit des catastrophes climatiques qui ont affecté le globe entier. Ces recherches m'étaient inconnues, lorsque j'écrivis Monde en collision, leurs résultats concordent parfaitement avec mes propres conclusions et avec les dates que j'ai proposées. À ces deux époques, les habitations lacustres de Suisse, d'Allemagne, d'Italie du Nord et de Scandinavie ont été détruites par des inondations catastrophiques et abandonnées, la première fois pendant 4 siècles, la seconde fois définitivement. Bien et Nord d'agents ont démontré à l'aide d'une documentation très fournie qu'au même moment les lacs furent basculés et que certains d'entre eux, comme l'Essé et le Federsé, se vidèrent complètement. Dans les Alpes bavaroises, le sol s'entr'ouvrait récemment donnant naissance à la vallée d'Ilsan au Tyrol. Les nombreuses modifications du lit des affluents de l'Inn dénotent de prodigieux mouvements telluriques. Pour H. de Terra, de l'Institut Carnegie, et Peterson, d'Harvard, l'Himalaya a pris sa configuration et son altitude actuelle à la suite de bouleversements catastrophiques en présence de l'homme. Le bouleversement auquel la cordillère des Andes doit son existence a forcément revêtu aussi un caractère catastrophique. Elle s'était élevée de plusieurs milliers de mètres sous une phénoménale poussée volcanique, quand l'humanité avait déjà pris possession de la Terre. On a découvert des os de baleines à 150 ou 200 mètres au-dessus du niveau de la mer dans les collines de Montréal et du New Hampshire. Un peu partout, sur certaines îles et à l'intérieur des continents, des os d'animaux marins, d'animaux terrestres polaires et d'animaux tropicaux sont entassés en masse compacte. On trouve aussi bien dans la grotte de Cumberland, Maryland, dans les fissures de Chukéo-Utien, Chine, en Allemagne qu'au Danemark, des hippopotames et des autruches mêlées à des phoques. À des rennes. Où que nous dirigions nos pas, de l'Arctique à l'Antarctique, du levant au couchant, des cimes au fond des mers, nous rencontrons d'innombrables indices de grands bouleversements anciens et récents. Un cratère météorique circulaire a été repéré aux environs de Chubb dans le nord du Labrador au cours de l'été 1950. Avec ses 11 km², il est bien plus vaste que celui de l'Arizona, dont le diamètre est de 1280 mètres, et la superficie de 1750 km², alors que celui-ci pourrait recevoir 2 millions d'hommes, l'amphithéâtre naturel de Chubb recevrait 12 millions. D'après les avis autorisés, il serait dû à l'impact d'un astéroïde, tombé il y a 4000 ans environ. Peu de temps avant la découverte de Chubb, et même immédiatement après, on a constaté l'existence d'autres grands cratères météoriques en Australie, en Arabie et au Mexique. Dans une monographie publiée en 1952, Prouty considère de façon décisive que la myriade de cuvettes oblongues du littoral atlantique des États-Unis, et notamment les baies de Caroline, dont certaines atteignent une longueur de plusieurs kilomètres, ont été causées par la chute de grosses météorites. Enfin, un très important groupe de cratères répartis sur 1760 km², situé au nord de cette île, fait actuellement l'objet d'une enquête dirigée par le docteur M. Giessiné sous l'égide du ministère des Mines. Sans vouloir préjuger de ses conclusions, ils sont, selon toute vraisemblance, d'origine météorique. Parmi les nombreux progrès réalisés en matière de géologie, j'aimerais souligner quelques-uns des résultats obtenus grâce à la méthode de datation au radiocarbone. Non seulement ils rapprochent très près de nous la dernière période glaciaire en la faisant remonter à moins de 25 000 ans, mais démontrent qu'il y a 10 000 ou 11 000 ans, la glace continuait d'avancer. Cette réduction de temps n'empêche pas qu'il subsiste des exceptions énigmatiques. Par exemple, la présence de mastodontes et de mammouths dans des couches vieilles de 3500 ans seulement. En outre, ce procédé a permis de dater à 3500 ans des restes de substances organiques rencontrées dans des terrains erratiques de la dernière glaciation, appliqués au naft. Il a également montré que l'âge des produits pétroliers du golfe du Mexique se mesure en milliers d'années, et non pas en millions. Cette constatation s'inscrit en faux contre l'argumentation des géologues visant à discréditer la théorie de l'origine exogène de certains gisements. L'analyse spectrale a révélé la présence d'hydrocarbones dans les queues de comètes, ainsi que celle d'hydrate de carbone, substance comestible. Mais nous voilà déjà sortis du domaine de la géologie, et entrés dans celui de l'astronomie. Monde en collision et constatations récentes en astronomie. Pendant les années où le manuscrit de Monde en collision est resté en possession de l'éditeur Macmillan, prêt à être édité mais non encore imprimé, c'est-à-dire en 1946, 1949, et pendant celles qui suivirent sa publication en 1950. Plusieurs récentes découvertes fondamentales ont donné lieu à des interprétations justifiant pleinement la théorie énoncée dans l'ouvrage. La lumière zodiacale, cette nébulosité lumineuse, qui suit le cours de l'écliptique, et se manifeste dès le coucher du soleil, vient d'être expliquée après avoir longtemps préoccupé les astronomes. Ce serait la réflexion de la lumière solaire sur deux anneaux de particules infinitésimales, l'un d'eux suit le parcours de Vénus, l'autre orbite entre Mars et Jupiter, zone de l'espace où, selon Monde en collision, une comète frôla de près certaines planètes. Bob Rovnikov de l'Observatoire Perkin tient à son hypothèse selon laquelle les astéroïdes qui gravitent entre Jupiter et Mars, dont certains coupent l'orbite de Mars, et même celle de la Terre, seraient les restes d'une gigantesque comète préhistorique. Leur origine que l'on croyait due à l'explosion d'un corps céleste est, depuis peu, considérée, par Kuiper notamment, comme le résultat d'une collision entre deux planètes dans un passé lointain. Whipple est arrivé par de savants calculs à reconstituer leurs orbites, 1950. Il en a déduit qu'elles avaient dû entrer en collision à deux reprises, la première fois il y a 4700 ans, et la seconde il y a 1500 ans, les dates des collisions interplanétaires, dont il est question dans Monde en collision, tirées, elles, de diverses sources et témoignages historiques, sont du même ordre. Le découvreur de Pluton, Tom Bogue, a expliqué en 1950, que les zones sombres et les canaux martiens, résultent de collisions successives avec des astéroïdes. Selon Monde en collision, Mars a été meurtri par les impacts réitérés de grandes masses cométaires. De fait, on a observé en 1950 une spectaculaire explosion provoquée, selon Hoppy, par la collision d'un astéroïde. Elle souleva des nuages de poussière de dimensions considérables qui masquèrent, comme un écran, la configuration de son sol. Struve, en fonction à l'observatoire de Yerk, passant en revue les brochures et les périodiques traitant d'astronomie parus en 1950, s'étonna de ce que, par une bigarre coïncidence, et fleurit cette année-là une profusion d'articles retentissant sur les collisions du système solaire, dès l'apparition de Monde en collision. Il existe deux théories relatives à l'origine des cratères lunaires, dont la dimension dépasse tout, ce qui leur serait comparable sur notre globe. Conséquence, selon la première, de collisions entre la Lune et de grosses météorites, ou même d'astéroïdes, ce sont d'après la seconde, des formations volcaniques. Les deux admettent que le corps céleste le plus proche de la Terre, porte les traces laissées par les cataclysmes auxquels il a été mêlé. Dans Monde en collision, je les explique de la façon suivante, lorsque la Terre et la Lune, traversèrent la substance d'une grande comète et de nouveau, au cours du vif siècle avant notre ère, quand elles furent fortement déviées par Mars, la lave se répandit à la surface de notre satellite, de grosses bulles éclatèrent, créant d'immenses dépressions dont les bords abrupts, eurent au fait de se refroidir pendant la longue nuit lunaire. Aucune atmosphère ne les protégeant du froid intersidéral. C'est aussi au cours de ces proches rencontres, que des faillites des sillons s'y ouvrirent. Si les cirques sélénites ont été formés par l'éclatement de ces bulles, il en existe probablement d'autres, encore intactes. Le docteur Percy Wilkin, sélénographe anglais, en a répertorié une quarantaine. Plusieurs sont situées au nord-est du cratère de Copernic, la plus importante, à l'intérieur de celui de Darwin, mesure 32 km de diamètre, selon la publication de F. Benario parue dans Vega, 1953. À mon avis, beaucoup de comètes sont d'origine récente, j'ai étayé cette affirmation en tenant compte de la luminosité et de la fréquence des météores contemplés par les plébéiens et les patriciens de la Rome impériale, et en les comparant à celles des comètes visibles à l'œil nu pendant les siècles derniers. Cette notion a trouvé une très nette confirmation dans un ouvrage important, publié en Russie soviétique par une autorité en la matière, le professeur Vsesviatsky. Ces recherches révèlent que la luminosité des comètes périodiques, observées pendant les dernières décennies, diminue à chaque apparition, et perdent leur substance avec une telle rapidité, que 50 ou 60 révolutions suffisent à les désagréger complètement. C'est ainsi que celle de Halley ne peut guère remonter au-delà de 3500 ans, c'est-à-dire à 1500 avant Jésus-Christ. Au cours du siècle dernier, plusieurs d'entre elles n'ont pas réapparu, leurs matériaux s'étant sans doute volatilisés, d'autres sont littéralement disloqués sous les yeux des observateurs. La vitesse à laquelle elles se désagrégeront improbable, leur appartenance à notre système solaire depuis le commencement du monde, ou depuis la création des planètes. D'autre part, la théorie selon laquelle elles proviendraient de l'espace extragalactique, a été unanimement abandonnée. Vsesviatsky démontre aussi pourquoi, il faut rejeter l'hypothèse de leur capture par notre système solaire pendant un hypothétique passage à travers un nuage de poussière et de gaz. Elles seraient plutôt le fruit d'éruptions, qui se produisirent sur les planètes, et même sur les satellites comme notre Lune ou les cirques, attestent les ravages de violents cataclysmes, mais, toujours selon lui, le maximum d'activité, s'est vraisemblablement manifesté sur les deux plus grandes, Jupiter et Saturne, comme le suggère le tracé orbital des comètes de courte période. Cela remet en vigueur la thèse émise, il y a 70 ans par R. Proctor, attribuant à des éruptions, l'origine de la famille des comètes dites jupitériennes, c'est-à-dire la majorité de celles qui resurgissent 60 km par seconde pour Jupiter. Est-ce qu'à Vsesviatsky, New York Concerning d'origine, of Cornell and the Theory of Eruption, publication of Keough Observatory, NDEG 5, 1953, page 3, 57. Après de brèves disparitions. Malgré leur basse température, les gaz de Jupiter et de Saturne sont animés de mouvements rapides. Néanmoins, la vitesse de libération nécessaire pour échapper à l'attraction des grandes planètes est si élevée que Vsesviatsky avoue ignorer le mécanisme capable, dans les conditions qui règnent actuellement, de communiquer une telle impulsion aux matières éjectées. Il assure toutefois qu'au cours d'un passé récent, un concours de circonstances indéfinissables l'aurait permis. Il fait remarquer avec insistance qu'en éjectant une partie de leur propre matière, les planètes ont modifié leur masse et, par conséquent, leur orbite. Elles ont dû aussi subir un certain recul. Dans les publications de l'Observatoire de Keough pour 1953, le scientifique russe écrit « Nous estimons que l'histoire du système planétaire a été caractérisée par des changements nettement plus rapides et un ensemble de phénomènes beaucoup plus actifs qu'on ne le pensait quand il était seulement tenu compte des corrélations gravitationnelles à F intérieur du système solaire. » Tout cela correspond parfaitement aux conclusions auxquelles je suis arrivé avec Monde en collision, concernant les comètes à courte période, l'époque de leur formation, voici quelques milliers d'années, et leur origine. J'y traite aussi des forces qui ont provoqué leur éjection hors des planètes supérieures, et des conditions qui ont présidé à l'expulsion de leur masse là, quasi, collision des grandes planètes leur donna naissance. En définitive, mon affirmation fondée sur des faits probants, selon laquelle la composition du système solaire s'est modifiée depuis l'apparition de l'humanité, reçoit l'appui de l'observation et du calcul. La nature électromagnétique de l'univers, dont il est question dans Monde en collision, déduite d'une succession de phénomènes historiques, vient d'être également confirmée par une série d'observations scientifiques. Au laboratoire Evans des télécommunications de l'armée américaine, installé à Belmar, New Jersey, des chercheurs qui effectuaient des expériences sur la réception des échoradars répercutés par la Lune, ont détecté des bruits radio provenant du Soleil. Ces crachements laissent présumer des décharges de fort potentiel électrique. Lors du congrès de l'Association britannique pour l'avancement des sciences, en automne 1947, Sir Edward Appleton a signalé qu'il coïncidait avec les tiers observés au moment où les centres d'activité, les tâches solaires notamment, atteignent leur maximum d'intensité. Selon lui, chacune d'elles constitue un émetteur d'ondes ultra-courtes, dont la puissance dépasse de loin 1 million de kilowatts. En 1948 et en 1949, Donald Menzel a enregistré, cinématographiquement, les protubérances solaires depuis l'observatoire de Climax dans le Colorado. Sur le film, on les voit s'élever très rapidement à des hauteurs considérables, animées d'une vitesse sans cesse croissante, puis redescendre non pas en décrivant une parabole comparable à celle d'un projectile, mais en renversant leur marche pour revenir à leur point de départ. Ce faisant, il semble ne pas éprouver l'accélération attendue en pareil cas, or cela est contraire aux lois de l'attraction universelle. Par ailleurs, lorsque deux jets de matière projetés par le Soleil viennent à se rencontrer, chacun amorce un net recul. Le fait a été observé par Mkmate Savier, Lio l'a aussi constaté. E. Petit, de l'observatoire du Mont Wilson, en a conclu, 1951, qu'elles sont chargées électriquement. De plus, la structure coronaire, souvent recourbée en forme d'arche, est parfois composée de plusieurs arcs concentriques, c'est une preuve supplémentaire de la nature électrique de la couronne et de ses protubérances. Nous avons de bonnes raisons de croire, d'après le comportement des noyaux et des queues de comètes, que chacune des particules dont elles sont composées, influence le mouvement de toutes les autres, et que la disposition de leur strie lumineuse, indique nettement une répulsion réciproque, c'est ce qu'écrivait en 1951 le professeur Bobrovnikov de l'observatoire Perkin. Ces calculs montrent que la puissance dissipée par le Soleil pour les orienter, est 20 000 fois plus grande que la force de gravitation, par conséquent, il ne s'agirait pas de la pression du vent solaire, ainsi qu'on l'avait cru précédemment, mais de répulsion électrique. L'analyse spectrale montre, d'autre part, que les queues de comètes ne brillent pas simplement, par réflexion de la lumière, et que leur propre luminosité, ne provient pas d'une quelconque combustion, mais d'un phénomène électrique comparable à celui qui se manifeste dans un tube de Gessler. Pour expliquer le champ magnétique du globe terrestre, le docteur Bullard, du Laboratoire National de Physique de Grande-Bretagne, a supposé l'existence de courants électriques dans la partie liquide du noyau métallique de la Terre. Selon certains scientifiques, les arcs lumineux qui apparaissent dans les régions polaires de l'atmosphère, seraient dus aux électrons émanant du Soleil. On a remarqué que les éruptions chromosphériques, se produisaient souvent pendant les périodes de croissance des taches solaires. Ces perturbations sont immédiatement ressenties sur Terre où elles provoquent des orages magnétiques, l'interruption des liaisons radio, et influent sur les courants telluriques. 24 heures plus tard, une seconde réaction encore efficace malgré son décalage engendre les aurores boréales. En 1948, Enrico Fermi a expliqué l'énigmatique positivité des rayons cosmiques par leur passage à travers des champs magnétiques. En 1951, Richtmier et Télé, reprenant une idée précédemment exprimée par Swan, affirmèrent que ces charges provenaient du Soleil, un puissant champ très étendu, d'origine solaire, pourrait en effet accélérer les protons lourds jusqu'à ce qu'ils atteignent la vitesse des particules cosmiques. Les deux théories supposent l'existence de champs magnétiques dans l'espace. Je me permets d'ajouter que, le potentiel de la Terre étant négatif, l'énergie avec laquelle les rayonnements corpusculaires, la bombardent n'a rien d'extraordinaire, tout corps chargé négativement attire les charges positives. Harold Babcock a prouvé, Observatoire du Mont Wilson, 1947, que certains astres ont leur propre champ magnétique, l'un d'eux passe alternativement de plus 7000 à 6000 Gauss tous les 9 jours. On peut en déduire qu'il est en rotation, et dirige vers nous un pôle différent à chaque demi-tour. Entre-temps, l'effet aimant ne se manifeste plus quand le plan de son équateur magnétique passe par la Terre 384. En 1952, l'astronome royal d'Angleterre, Sir Harold Spencer-John, estimait à plus d'une centaine, les astres qui jouissent des propriétés magnétiques, ce nombre augmente rapidement. Il y a plusieurs années, le docteur Giesel, en fonction à l'observatoire de la marine américaine, et le docteur W. Hiltney, appartenant à celui de YERC, découvrirent que la lumière de certaines étoiles est fortement polarisée. On supposait d'emblée qu'elles devaient filtrer à travers des rideaux de poussière interstellaire magnétisée, restait à savoir pourquoi elles étaient toutes orientées dans la même direction que leurs axes magnétiques. Pourtant, si ces nuages de poussière sont chargés électriquement et en mouvement, l'orientation magnétique uniforme des particules n'est pas surprenante. La divergence des résultats obtenus, lorsqu'on cherche à délimiter le champ magnétique du Soleil, est sans doute due à la position variable de la Terre par rapport à l'équateur magnétique solaire. Lorsqu'elle est dans son plan, l'effet aimant n'apparaît pas et l'on en conclut à tort, que le champ magnétique solaire ne s'étend pas très loin. En juin 1950, Bad, de Palomar, et Spitze, de Princeton, avancèrent avec circonspection, une théorie où il était question de galaxies en collision. En novembre 1952, on parlait couramment d'une collision titanique entre deux gigantesques amas d'étoiles au-delà de la Voie lactée, derrière la constellation du Cygne. La réalité de ce gigantesque affrontement, fut confirmée par l'enregistrement de bruits radio provenant des confins de la Voie lactée et la traversant. Deux galaxies, chacune aussi vaste que la nôtre, composées d'innombrables étoiles, s'interpénétraient, se heurtaient et émettaient à destination de l'univers, un dramatique appel de détresse sous forme d'une angoissante cacophonie. Bien qu'ayant parcouru des milliards de kilomètres pendant des millions d'années à la vitesse de l'éclair, ces signaux parvenaient audibles, jusqu'à nos radiotélescopes, ils ont quitté depuis longtemps le lieu de la catastrophe, mais il est possible que la collision dure encore, tant les dimensions de ces galaxies sont incommensurables. Il se pourrait même que ceux émis encore actuellement atteignent notre système solaire, lorsque l'astre du jour ne sera plus qu'une étoile naine, et ses planètes des nuages de poussière. Les astronomes s'alarmèrent en constatant que des mondes lointains se fracassaient les uns contre les autres, mais ils furent encore plus stupéfaits du moyen employé pour le leur faire savoir. Les galaxies nous envoyaient des signaux hertziens, prouvant par là que leur structure électromagnétique était aussi celle de l'espace universel. En août 1953, on apprit qu'une autre armée céleste chargeait une galaxie rivale, dans la partie du ciel où l'on voit la nébuleuse du crabe, et qu'un assaut du même genre était en cours derrière Cassiopée. Dans la revue publiée par la Radio Corporation of America, numéro de mars 1951, John H. Nelson, ingénieur du service technique de cette société, donne les résultats de plusieurs années d'observations précises, avec graphiques illustrant l'influence que la position des planètes dans le système solaire exerce sur les émissions hertziennes. Ces courbes, écrit-il, montrent au premier coup d'œil qu'il existe une étroite corrélation entre les dérangements radiotéléphoniques et télégraphiques et les configurations planétaires. Il n'est pas douteux que la position de chacune des six planètes étudiées joue un rôle dans certaines transmissions. La presse s'en mêle là, une corrélation étrange et inattendue entre les positions respectives de Jupiter, de Saturne et de Mars dans leur course autour du Soleil, d'une part, et les perturbations de ionosphère, d'autre part, semble indiquer que les planètes et le Soleil participe à un mécanisme cosmique d'équilibre électrique, s'étendant au-delà d'un milliard et demi de kilomètres du centre de notre système solaire. Fait inexplicable par les théories astrophysiques couramment admises. Les ondes courtes sont perturbées lorsque Jupiter, Saturne et Mars se placent sur le même alignement, ou forment entre elles des angles droits. Nelson fait remarquer que le phénomène n'est pas une conséquence de la gravitation ou d'un effet de marée entre le Soleil et les planètes. En réalité, cela montre qu'elles sont chargées électriquement. Il projette également une lumière neuve sur la théorie, plus ancienne, d'un rapport direct mais encore inexpliqué entre la révolution de Jupiter et le cycle des taches solaires. De même, la constatation due à Stetson, de l'Institut de technologie du Massachusetts, selon laquelle la Lune affecte les transmissions radioélectriques bien meilleure quand elle est au-dessous de l'horizon que si elle est au zénith, est à rapprocher de l'observation faite par Nelson concernant les influences planétaires sur l'ionosphère. Stetson estimait que c'était l'effet d'une radiation émanant de notre satellite car, selon lui, le phénomène ne saurait être produit par une lune neutre. En 1953, on s'aperçut que les marées solaires, s'exerçant dans l'atmosphère terrestre, sont 16 fois plus fortes que les marées lunaires. Le fait est nettement contraire à la théorie admise, selon laquelle l'action de la Lune sur les océans dépasse de beaucoup celle du Soleil. Cette différence n'a toujours pas reçu d'explication satisfaisante. Telles sont quelques-unes seulement des découvertes récentes qui rendent impérative la révision de notre conception actuelle de l'univers. C'est justement à cause du degré de précision atteint par la mécanique céleste, qui a pour défaut de ne pas avoir tenu compte des forces, dont on constate maintenant l'existence, que ce monument scientifique élaboré par de grands esprits mathématiques depuis près de trois siècles, semble en avoir un besoin urgent. Tout cela n'a pas de rapport direct avec le sujet de monde en collision, dont la seule prétention se résume à décrire les événements, auxquels on pourrait s'attendre si un corps, comme la Terre passait très près d'un autre objet céleste, magnétique lui aussi. Le tollé suscité par cet ouvrage eut pour raison profonde mon scepticisme à l'égard de la théorie soi-disant irréfutable, qui dénie aux astres la moindre charge électrique et le moindre magnétisme. Prenons, par exemple, une étoile binaire, c'est-à-dire un ensemble de deux astres tournant autour de leur centre de masse, dont la période de demi-révolution varie entre quelques mois et quelques jours, parfois moins. Supposons qu'ils aient chacun un champ de 7000 gauss, ce qui n'a rien d'improbable. Dans ce cas, de toute évidence, même en négligeant la composante électrique des électroaimants, on ne pourrait pas soutenir qu'ils soient uniquement soumis aux lois de la gravitation universelle. Cela suffit à démontrer la faillibilité de la conception purement mécanique du système solaire, tant en ce qui concerne les astres isolés, que le Soleil et ses planètes. Nous trouvons en Jupiter et ses lunes un système qui présente quelques analogies avec celui de la famille solaire. La planète est froide, mais ses gaz sont en mouvement. J'estime probable qu'elle émet des ondes hertziennes, comme le font le Soleil et les étoiles, et je me permets de suggérer qu'on étudie la question. Le 5 avril 1955, à une réunion de la Société astronomique américaine, le Dr Bernard F. Burke et le Dr Kenneth L. Franklin, de la section de magnétisme terrestre de l'Institut Carnegie, annoncèrent une nouvelle imprévue. On venait de capter de puissants bruits radio en provenance de Jupiter. L'explication du phénomène leur parut difficile, car personne ne s'attendait à ce que les planètes émettent de telles ondes. La phrase ci-dessus, prononcée dans ma conférence devant les étudiants de Princeton, le 14 octobre 1953, et envisageant la production de bruit par Jupiter, figure dans le texte dactylographié de mon exposé remis en janvier 1954 à un de leurs professeurs, M. Sink Bergman, texte reproduit par les éditions Doubleday. Au cours de l'été 1954, c'est-à-dire 8 mois avant la découverte en question, Uranus est la seule planète qui, nous le savons, conserve pendant une partie considérable de sa révolution, un de ses pôles tourné vers la Terre. Si son atmosphère n'est pas turbulente, mais forme une surface lisse et réfléchissante, je présume que la lumière solaire réfléchie par ses régions polaires doit être polarisée, comme l'est un rayon lumineux renvoyé par les pôles d'un aimant. On pense généralement que le champ magnétique terrestre n'atteint pas la Lune de façon sensible. Il est cependant un moyen permettant de vérifier si tel est bien le cas. Notre satellite effectue des mouvements de balancement périodiques en latitude et en longitude, dont certains n'ont pas d'explication théorique. Je propose que des recherches soient entreprises pour savoir si ces oscillations énigmatiques ne seraient pas synchronisées avec les révolutions quotidiennes des pôles magnétiques de la Terre autour de ces pôles géographiques. Penga Poshkin, d'Harvard, qui a écrit au cours de ces dernières années de longs articles hostiles à la thèse de monde en collision, affirmant que les corps célestes ne pouvaient posséder de charge électrique capable de produire les effets observés sur les objets en mouvement à l'intérieur du système solaire, à vous maintenant, scientifique américaine, numéro 2 septembre. 1953, il y a 10 ans, dans nos hypothèses cosmologiques, nous ne raisonnions qu'en fonction des forces gravitationnelles et des énergies rayonnées. Demain nous constaterons peut-être que le monde essentiellement constitué d'électroaimants tourbillonnants, gravitant autour d'un centre d'attraction. Avec le temps, ces concessions se feront plus nombreuses. Notre Soleil et ses planètes font partie d'une galaxie. US ne sont pas seuls dans l'univers et ne font pas exception. J'aime à raconter l'histoire suivante. Un soir, au crépuscule, je reçus dans mon cabinet de travail la visite d'un homme d'allure distinguée. Il m'apportait un manuscrit traitant de mécanique céleste. Dès les premières pages, j'eus l'intuition qu'elles étaient l'œuvre d'un mathématicien génial. Engageant la conversation avec mon visiteur, je citai le nom de James Clerk Maxwell. « Qui est-ce ? » me demanda-t-il. Embarrassé, je répondis, « Vous savez bien, le scientifique qui a fourni une explication théorique des expériences de Faraday. » Et qui est Faraday ? De plus en plus gêné, je dis, mais, c'est le pionnier de l'électromagnétisme. Et qu'est-ce que l'électromagnétisme ? Mais qui êtes-vous ? Répliquai-je, au comble de l'étonnement. Isaac Newton, répondit l'étranger. Je m'éveillai alors. Sur mes genoux, un livre était ouvert, Les Principiens. Cette histoire a pour but d'illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure. Écouteriez-vous quelqu'un n'ayant aucune notion des forces régissant la nature, et qui ne se priverait pas pour autant de discourir sur la mécanique céleste ? C'est pourtant l'attitude des astronomes, qui proclament infaillible une mécanique céleste conçue vers 1660 où ni l'électricité ni le magnétisme n'occupent la moindre place. Ces dernières années, l'archéologie, la géologie et l'astronomie nous ont gratifié d'une quantité de constatations qui corroborent ce que j'avançais dans Monde en collision, à savoir 1. Que le globe entier a connu au cours des temps historiques des bouleversements d'ordre physique, 2. Que ces catastrophes furent provoquées par des agents extraterrestres, 3. Que la nature de ces facteurs peut être déterminée. Bien que mes conclusions soient en conflit avec les credos orthodoxes, les résultats de la plupart des observations scientifiques récentes confortent ma position, aucun ne m'est contraire. NDT, l'œuvre célèbre de Newton, Les Principes mathématiques de philosophie naturelle, 1687. Ce dont je voudrais vous convaincre, c'est qu'aujourd'hui, comme du temps de Newton, la science s'étale devant nous comme un océan inexploré, sur lequel nous ne nous sommes encore guère éloignés des côtes de l'ignorance. Malgré notre connaissance de l'âme humaine, nous ne savons pratiquement rien de la pensée ou de la mémoire. La biologie ne nous a pas encore appris d'où provient la vie. L'ère des découvertes fondamentales n'est pas près de sa fin, et vous ne faites pas partie des retardataires, qui n'ont plus rien à découvrir. Tel que je vous vois aujourd'hui, si nombreux, j'espère que, d'ici 20 ou 30 ans, ceux d'entre vous qui ont l'esprit critique apte à relever les défis, la volonté d'aller de l'avant, le besoin d'acquérir et de parfaire leurs connaissances seront d'heureux découvreurs. Ne craignez pas d'affronter les difficultés, cherchez sans trêve le pourquoi et le comment des choses. Soyez, en cela, têtus comme des enfants. Ne craignez pas le ridicule, et rappelez-vous l'histoire des grandes découvertes. Alfred North Whitehead a dit, si, pendant votre vie, vous avez prêté attention aux littératures d'avant-garde, vous aurez y constaté qu'au moment où elles paraissent, presque toutes les idées vraiment nouvelles ont un certain côté absurde. Donc osez. Quand les personnalités de votre temps chercheront à vous décourager, souvenez-vous qu'Archimède s'égossait d'Aristarque, son aîné de 25 ans, dont la théorie affirmait que la Terre tournait autour du Soleil. Toute contre-vérité scientifique risque de ne pas être acceptée avant des siècles, et vous ne vous verrez peut-être jamais compris. Osez quand même. Ne vous obstinez pas si les faits s'opposent à vos idées mais persistez s'ils se rangent de leur côté. Ils sont parfois capables de réduire la plus forte des oppositions, celle des chiffres. En 1903, le plus grand mathématicien américain, Simon Newcomb, avait prouvé par le calcul qu'une machine volante transportant un pilote était purement et simplement utopique. La même année, les frères Wright, sans mathématiques, mais avec un fait, prouvèrent à leur tour qu'il avait eu tort. Les grands initiés, fondateurs des religions, et leurs enseignements révélés font partie du passé, plus ils sont anciens plus ils sont vénérés. En revanche, il appartient à l'avenir de recruter de nouvelles autorités scientifiques, et de susciter de grandes révélations. L'élève dépassera le maître, s'il a le don de voir les choses sous un angle nouveau. Toutes les idées fécondes sont nées dans l'esprit des non-conformistes, pour qui le connu était encore l'inconnu, et qui souvent prirent du recul, afin de repartir du bon pied, sur d'eux-mêmes, tandis que d'autres se fourvoyaient. La vérité du jour a toujours été l'hérésie de la veille. Si vous avez le goût de la recherche, une imagination doublée de scepticisme, la nature généreuse vous livrera quelques-uns de ses innombrables secrets. La joie que vous éprouverez en découvrant la vérité vous payera de vos efforts, mais n'espérez pas d'autres récompenses, car elle est incertaine. Mais osez malgré tout.